Je veux plus attendre le bénéfice, c'est trop long. Il faut que j'assume ma mif, tu sais, j'ai deux petits frelons. Ici, ça prend des risques, quitte à finir en ballon. Je vends toutes les qualités, drôle de mentalité. Je veux plus attendre le bénéfice, c'est trop long. Il faut que j'assume ma mif, tu sais, j'ai deux petits frelons. Ici, ça prend des risques, quitte à finir en ballon. Je vends toutes les qualités, drôle de mentalité. Ben, j'ai mon nom gravé dans la tête, je serai toujours là même si je me casse. Peu importe le montant que j'encaisse, ben. Et y'a plein le bénéf dans la 16. Donne-moi le parfum que je le cache. Passons tous des boîtes dans la caisse. Encore un matin où je me lève et j'allume un joint. Comme si je pouvais pas arrêter. Toi t'es pas des miens. Range ton argent et ta main. Mon ami qui ne peut pas s'acheter. Et nique sa mère. Je recompte mes faf et j'accélère. Et je vois que c'est l'heure d'aller chercher les gros salaires. Pardon Seigneur. Parce qu'on va faire du mal. Faudra qu'on assume hein. Le sourire au tribunal. Le proche n'est qu'un humain. T'inquiète, ça s'arrangera demain. Moi je veux plus vendre des demi. Mais que tu fasses le mal ou le bien, t'auras toujours des ennemis. Et demande à Paris, l'eau est meilleure à la source. Pour y aller, on fait la course. On aime trop les risques, tout le monde sera heureux le jour où la drogue sera cotée en bourse. Des fois je dérive, des fois je suis fou. Faire de l'argent, ça coûte l'argent, les vrais le savent. Et ma famille vaut bien plus cher que j'en perds de sein. Même rechercher Dieu a voulu que je sorte de chave. Donc t'épuises pas, tu ne pourras pas forcer le destin. Et je me pose tant de questions sur le terrain, sa gestion. Bande de teutrés, les années sont passées, j'ai toujours le même veston. Je veux plus attendre le bénéfice, c'est trop long. Il faut que j'assume ma mif, tu sais, j'ai deux petits frelons. Ici, ça prend des risques, quitte à finir au ballon. Je vends toutes les qualités, drôle de mentalité. Ben, j'ai mon nom gravé dans la tête, je serai tout.